Merci Seigneur. Bénis ta parole ce soir. Que tes œuvres et son âme soient déployées au milieu de ton peuple. Que les malades guérissent. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Que les muets parlent. Que les paralytiques marchent. Que les morts ressuscitent. Et que la bonne nouvelle soit annoncée dans cette génération, dans ces deux semaines. Fais-le pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Alors Dieu, il est suffisamment capable de faire. Nous avons vu hier. Celui qui peut faire. Anayeweza wa kutenda. Celui qui peut faire. Anayeweza wa kutenda. À celui qui peut faire. Kwa yule anayeweza wa kutenda. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou attendre. Zaidi ya yale tunaomba na kungofikiri. À lui la gloire. Sifa zimurudirie yeye. Dans l'église. Ndani ya kanisa. Et en Jésus-Christ. Na ndani ya Yesu Kristo. Pour les siècles des siècles. Vizazi na vizazi. J'aime un texte que j'aimerais qu'on lise avant de continuer dans le message. Na kwa na usomi ambao napenda tusome. Jérémie chapitre 10, lisez ça avec moi. Jérémie 10, napenda tuisome pamoja. Jérémie chapitre 10. La parole de Dieu. Lorsqu'elle est annoncée, elle n'est pas une simple information. Suivez-moi bien. Allô? Écoute-moi bien et définitivement. Désormais, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas écouter des informations. Tu viens écouter la parole. Et tu viens rencontrer Dieu. Na unakuja kumkutana Mungu. Ce Dieu est vivant na et il est Mungu vrai. Iko mzima na ni wa kweli. Et sa parole na neno lake est esprit et vie. Ni roho na uzima. Donc quand tu reçois la parole, ukipokea neno rohoni tu n'es pas en train de recevoir des informations. Haupokei habari kutoka Mungu. Tu es en train de recevoir esprit et vie. Unapokea roho na unapokea uzima toka Mungu. Tu es en train d'être imparti de dose de Dieu. Unaingizwa vipimo vya kimungu. Tu es en train de recevoir quelque chose de Dieu. C'est quelque chose, c'est l'esprit de Dieu. C'est quelque chose, c'est Dieu. Ni uzima, ni Mungu mwenyewe anaingia ndani yako. Alors, si tu t'exerces à le faire, unapoendelea kujikaza, kujizoesha, tu vas alors commencer à observer des changements dans ta vie. Utaendelea kuishi mabadiliko maisha yako. Parce que la parole que nous recevons, sababu neno tunapolipokea hapa, elle est puissante selon Dieu. Ina nguvu kulingana na Mungu. Elle est esprit et vie. Ina roho na ni uzima. Et elle nous recharge. Na inatupatia kujazwa tena. Mais les informations habari za, habari restent dans la tête. Et quand la tempête vient, Zoruba kidogo kipita, les racines de la parole ne sont pas dans la tête. Misingi ya neno haiko katika kichwa. Les racines, la parole ne peut pas germer dans la tête. Neno haiwezi kuzaa ikabakia kwa kichwa. La parole germe dans le cœur. Neno linazaa ni wakati liko moyoni. Comme la parole est esprit, kwa sababu neno ni roho, elle ne peut germer que dans l'esprit. Inaweza tu kuzaa ikikutana na roho yako. Si tu la limites dans ton âme, kwa nafsi, kwa il n'y a pas d'engrais pour la parole de germer dans ton âme. Hakuna mboleo ndani ya nafsi yako. De germer dans ton ta mémoire. Ndani ya il faut que la parole vienne dans ton esprit. Il faut que tu écoutes avec ton esprit. Alors la parole va germer. Elle va germer pour planter ses racines. Elle va pousser. Elle va produire des fruits. Et elle va faire de toi la parole. La parole va faire de toi la parole. Tu vas devenir cette parole. Wepeke utafanana ile neno ulipokea. Parce que la parole dans notre esprit devient une conscience. La parole dans notre esprit devient une puissance. En fait, elle est une puissance. Mais alors, cette puissance devient une réalité, un fait. Elle devient un fait dans ton esprit. Lorsque tu vas faire face à des défis, tu ne vas pas faire face avec ta tête. Mais ton esprit va affronter les réalités. C'est ton esprit qui va agresser l'ennemi. Ton esprit va agresser l'ennemi. Ton esprit va combattre. Et ce qui est avantageux. Allô? Ce qui est avantageux, c'est que l'esprit est esprit. Roho ni roho. De sorte que kiwango ya kwamba, quand nous dormons, hata tukilala sisi, l'esprit ne dort pas. Roho hailalaki. Et lorsque nos armes sont plantées dans notre esprit, wakati silaha zetu ziko ndani ya roho, nous sommes forts. Tuna nguvu. Mais quand nos âmes sont plantées dans notre mémoire, wakati sila zetu ziko tu kwa kitu, lorsque nous dormons, tunapolala, la mémoire se repose. Na sila ziko pembeni. La mémoire se repose. Akili na pumzika, et les armes se na repose. Sila zina pumzika. C'est comme ça que quand vous vivez certaines choses dans les songes, ndio maana munapoishi vitu vingine katika vous allez observer ceci. Mutaona hivi. Lorsque votre esprit est puissant et chargé, wakati roho yako ina nguvu na imejaa, même quand vous êtes endormi, hata uko msingizi, et que le diable vous attaque, na adui anakupiga vita, votre esprit interagit. Roho yako inapigana naye kwa nguvu. Vous ne sortez pas de votre songe abattu. Vous sortez pas de votre songe où vous a égorgé. Et puis, alors, lorsque nous rechargeons notre esprit avec la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Sa place ou son habitation, sa destination, c'est dans notre esprit. Quand tu fais ta méditation à la maison, efforce-toi de méditer avec ton esprit. Ne médite pas comme des historiettes. C'est comme si tu lisais des petites histoires. Oh, Abraham, Jean-Baptiste. Non. Médite avec ton esprit. Comprends que cette chose que tu et as là dans la main, ce n'est pas rien. Si bourre, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pour enseigner, pour convaincre, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit préparé et adapté pour toute bonne œuvre. Et la Bible dit il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces choses ne se passent pas avec la tête. Ça se passe avec notre cœur. Pourquoi tu es vaincu dans la tentation? Parce que tu affrontes la tentation avec ta tête. Tu raisonnes avec le diable quand il t'attend. Quand le diable vient te tenter, tu raisonnes avec lui pour voir si tu vas pécher ou si tu ne vas pas pécher. Pourquoi cela? Parce que la parole est dans ta tête. Mais quand la parole est dans ton esprit et que la tentation se présente, c'est ton esprit qui se lève. C'est comme un lion qui se lève dans ton cœur. C'est comme une colère qui se lève. Et tu ne négocies pas avec le diable. Tu ne dis pas avec ton fiancé, est-ce qu'on peut pécher un peu et puis on va confesser. Ça c'est quand la parole est dans la tête. Paul dit fuyez l'impudicité. tu ne seras capable de fuir l'impudicité que dans la mesure où la parole est dans ton esprit. Quand la parole est dans ta tête, la tentation va arriver et tu vas commencer à raisonner avec la tentation. Il en est de même lorsque l'épreuve arrive. Tu commences à interagir avec ta tête. Unaanza kutumikisha kichwa. Lorsque le diable vient t'attaquer, Shetani na kupiga vita, tu vas interagir avec la tête. Unaanza kutumikisha kichwa. Et certaines fois, les réactions immédiates sont. Na mara, majibu yetu inakuwa. Muite ambulance. Parce que la parole est dans la tête. Sababu neno ni kwa kichwa. Or, c'est un diable qui vient de te jeter une maladie. Il te fallait juste réagir comme un lion qui rugit. Ton esprit, la parole dans ton esprit, elle te rend puissant par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, Paul dit nous renversons même le raisonnement. Il y a une pensée de tentation qui te vient. Quand la parole est dans, là-dedans et que cette pensée impure vient, c'est une réaction de colère. Mais quand la parole n'est pas dedans, le diable précède dans son esprit. Et l'investissement, la semence du diable ne trouve aucune offensive là-dedans. Elle trouve tout est prêt. Et elle entre dans les chambres, dans les considérations. D'ailleurs, mon petit frère aussi a péché hier. D'ailleurs, ma grande sœur, c'est Alizala. Le diable entre dans tes chambres, dans les chambres de ton esprit, de ta tête. Et puis il entre dans ton corps. Et tu commences à sentir des choses. Et puis tu es parti. Quel est ton problème? La parole est toujours restée dans ta tête. Elle doit rentrer dans ton esprit. Quelqu'un va devenir différent à partir de maintenant. Tu ne seras plus quelqu'un de vulnérable comme ça. Maintenant, le christianisme est tellement vulnérable. On est vulnérable. Devant des épreuves, on est vulnérable. Devant des tentations, on est vulnérable. Devant des guerres spirituelles, on est vulnérable. Parce que la parole n'est pas dans notre esprit. Lisons le texte. Alors, lis le texte avec ton esprit. Sasa soma hiyo usomi na hii mwangaza umepokea. Allons-y, 1, 2, 3. À partir du premier verset. Tangia mstari wa kwanza Yeremia 10. On peut lire à haute voix. Allons-y ensemble. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, deux points. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On compte les bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hanche, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire le bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Aïe, tu es grand, Amen. Et ton nom est grand, Amen. Par Amen. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les saints des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et des loupasses d'or. L'ouvrier, la main de l'orfèvre, les met en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont des étoffes teintes en bleu ou en pourpre. Tout sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, c'est-à-dire des dieux. Vous leur direz des dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre, disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Amen. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire les vents de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée quand Dieu s'approche. Allez-y, allez-y, allez-y. Ngoubab. Ils périront quand viendra le châtiment. Celui qui est à la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Alléluia. Wow. Alléluia. Dieu, c'est Mungu. De toi que nous lisons. Mungu, tunasoma Dieu, c'est toi qui es dans mon cœur. Wewe ndiye nabeba moyoni mwangu. Les idoles Izi sanamu seront ridicules. Zitapata haya. À l'approche de l'Éternel, Mungu akikaribia, les circonstances se soumettent. Matukiu inanyenyekea. Quand Dieu s'élève, Mungu akisimama, ses ennemis se dispersent. Adui zake wanakimbia. Et voici le décret. Fikia maandishi. Vous leur parlerez. Mutambia ile miungu. Les dieux qui n'ont point fait les yeux et la terre. Mbingu na dunia. Verset 11. Kumina moya. On peut le relire ensemble. Tu somme pamoja. Vous leur parlerez ainsi. Mutawambia. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Tout simplement parce que ces dieux-là n'ont pas créé les cieux et la terre. Un peu comme Dieu est en train de dire Mutoke mubiangu. Quittez mes affaires. Mwache biangu. Créez votre ciel et votre Mwende terre. Muumbe bienu. Na ule Mungu ndiye uliyempokea ulipomwamini Yesu Kristo. Mais j'aurais bien voulu que Dieu descende dans cette salle et qu'on le voie vraiment. Ningelifurahi. Et que nous puissions voir un peu sa fierté quand il parle. Tuone furaha yake anapoongea. Quand Dieu parle, que les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre. Mungu anaposema hii miungu haikuumba mbingu na dunia, muziambie. Ils vont disparaître. Zitapotea. Que les dieux qui n'ont pas créé ton corps. Mungu ambaye kuumba mwili wako. Partent avec leur maladie au nom de Jésus. Na magonjwa yake mwili wako kwa jina la Yesu. Que les dieux qui n'ont pas créé la terre où Mungu tu habites. Te laisse le passage à ta destinée. Ate upite unapoenda mbele. Que les dieux Miungu ambaye kumba qui n'ont jamais rien fait pour toi. Haya kutendea chochote. Abandonne ta vie et ta progéniture. Maisha yako na kizazi chako kwa jina la Yesu Kristo. Nous le disons de la part de l'Éternel. Tunaisema kutoka mbingu. Alors hier, na jana, nous avons commencé avec le premier phare de notre thème. Tulianza kueleza tala. Qui était qui? C'était? Ilikuwa nini? à celui qui peut faire, qui peut faire. De qui s'agit-il? Et nous avons vu trois choses. Nous avons vu que c'est Dieu. Et ce Dieu-là, il est puissant. Il a un cœur. Et il met l'homme au centre de ses préoccupations. Et c'est le Dieu qui est comme cela, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou attendre. Amen. Ce soir, permettez-moi d'essayer d'aborder un ou deux points, ou deux phares. Le phare suivant, nous avons vu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Maintenant, allez avec moi dans ce texte. Vous savez, il ne s'agit pas de la puissance des muscles, ni de la puissance de la persuasion, ou de la puissance de la science, ou de la puissance de l'intelligence. À celui qui peut faire, non pas avec les puissances que nous connaissons, non pas avec la puissance d'un hirizi ou d'un amulette. À celui qui peut faire, dans une triple manifestation que nous voyons dans le même texte, à partir du verset 14 jusqu'à 21, que je vais vous montrer rapidement. Il peut faire par la puissance qui agit en nous. Quelle est cette puissance qui agit en nous? Verset 16. Qu'est-ce qui est en nous? Il est écrit, duquel, verset 15, tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'esprit au majuscule dans l'homme intérieur. Awape mupewe nguvu katika mutu wetu wa ndani. Quelle est la puissance qui agit à nous? Quelle est la puissance qui agit dans notre homme intérieur? L'esprit au majuscule. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Première facette de la puissance qui agit en nous. Deuxième facette. Verset 17. Afin, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Christ habite dans nos cœurs. Quelle est cette puissance en nous? Christ. Première facette, l'Esprit de Dieu. Deuxième facette, Jésus-Christ. En nous. En nous, dans l'homme intérieur, dans l'homme intérieur. J'ai parlé tout à l'heure de la destination de la parole en nous. La parole a comme destination notre esprit, que la Bible appelle aussi notre cœur, ou l'homme intérieur. Et donc, le Saint-Esprit est la puissance qui agit en nous. Jésus-Christ est la puissance qui agit en nous. Et au verset 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Vous soyez remplis où? Dans votre cœur. Vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quelle est la puissance qui agit en nous? Toute la plénitude de Dieu. Donc la triple facette de la puissance qui agit en nous, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même, le Dieu réel. Il agit dans notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les lieux de bataille mahali pa vita de notre vie, ndani ya maisha yetu, c'est notre homme intérieur. Ni ule mtu wetu wa ndani. Il est écrit dans Galates 5, 16 et suivant. Katika wa Galatia 5, 16 na kupanda. Marchez par l'esprit. Mutembe katika roho. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Tama za mwili. Autrement dit, ni kusema hivi, c'est à vous de décider ni kwenu mchague, ou aller selon la chair mufuate njia ou aller mwili, selon l'esprit. Au mufuate njia za roho. Et ce combat se passe où? Na hii vita na dans votre cœur. Ndani ya roho zenu. Or, c'est là dans le cœur ni katika roho zenu, où doit résider la puissance qui doit agir en nous. Kukaa nguvu zitatumika ndani yenu. Tu peux déjouer. Unaweza kuharibisha. Tu peux déjouer la puissance de Dieu. Nguvu za Mungu. Par l'usage mal de ta volonté. Akili yako au utashi wako. Nous avons dit nous irons en affaires volontairement et librement. Kwa uhuru wetu. Et nous irons au ciel librement et volontairement. Kwa kuchagua kwetu. Et donc, ni kusema, Dieu donne le potentiel Mungu anatupa ule uweza wote, de la puissance qui doit agir na en ule uwezo unapaswa kutumika. Et ce potentiel, c'est l'Esprit na de ule Dieu, uweza ni roho wake, c'est Jésus-Christ, ni Yesu Christo, c'est Dieu. Na ni Mungu mwenyewe. Si tu veux, kama unataka, tu peux vivre cette puissance. Unaweza kuishi ndani ya ule zile nguvu. Si tu ne veux pas, kama utaki, elle va te passer outre. Itapita pembeni. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 14, 23. Jésus disait aux apôtres, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Combien de personnes viennent? Moi, je suis, je viendrai à lui. Je dirai au Père de venir. Or, l'Esprit habite en nous. Jésus a dit, je pars, je vous envoie le Saint-Esprit. Il sera avec vous et il sera en vous. Donc, toute la divinité habitant en nous constitue la puissance qui agit en nous. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de puissance. Hakuna nguvu si tu ne permets pas cette puissance. Kama hauachilie, hauruhusu ile nguvu ifanye kazi. Comment le Saint-Esprit vient en nous, Jésus vient en nous? Namna gani tumempokea Yesu? C'est sur ton ordre. Ni wakati wewe peke ulimruhusu. Enfin, c'est sur ton acceptation. Wakati ulikubali. Le jour où tu reçois Jésus. Siku ile ulisema Bwana Yesu kuja uishi ndani yangu. Alors il vient. Na ile siku ce soir, je veux dire à quelqu'un, na leo mangalibi si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, Yesu maisha, viens à Jésus kuda umpe et maisha donne ta vie au Seigneur. Tu vas vivre ton nouveau départ. Utaishi mwanzo wa mwendo mpya wako. Tu vas expérimenter utaishi la différence utofauti entre avoir Dieu mbele et ne pas avoir Dieu. Hauna Mungu, na sasa unakuwa na Mungu, utaishi ile mabadiliko. C'est ce que Pierre expérimente à Jérusalem. Dans Actes 3, 5, où il dit aux paralytiques, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Nazareth, lève-toi et marche. Et il est écrit, le tenant par la main, il le leva. Et cet homme se leva. Paralytique depuis des années. Qu'est-ce que tu viens de lui donner? Quelque chose dans le réservoir de la puissance qui agit en moi. J'ai donné au paralytique et comme sa foi avait encore un peu de difficulté, je l'ai aidé, je l'ai tenu la main, je l'ai soulevé et je l'ai levé. Et il a expérimenté son miracle. Alors, s'il est vrai que la puissance de Dieu que nous venons de lire habite en toi et en moi, c'est que beaucoup de miracles peuvent se passer chaque jour. Quel était le problème? Nous n'étions pas conscients qu'il y a de la puissance en nous. Dis à ton voisin, il y a de la puissance en toi. Maintenant, reviens à lui. Dis-lui, à condition que tu aies déjà reçu Jésus. Dis-lui la condition. C'est pas comme ça là gratuit. Hein? La puissance de Dieu agit en toi. Tu peux parler à ton corps. Tu peux parler à ta tête. Tu peux parler aux choses de ta vie. Tu peux parler aux circonstances. Par la puissance qui agit en nous. Jésus a dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, mais je vais dire à la montagne avec quoi? Je vais dire à la montagne comment? Tu ne sauras dire à la montagne que par la puissance qui agit en toi. Buonasifu. Seigneur, répand cette puissance. Bwana utujalie hiyo uweza ianze kutenda katikati yetu hapa. Accorde ça. Accorde, Seigneur. Bwana utupe ile uweza tunabeba ianze kutenda. Je vois chacun de vous commencer à déployer la puissance. Naona kila moyo wenu anaanza kuutumikisha ule uweza. Chacun de vous va devenir un déploiement divin. Amemweka kila moja wenu kwenye iko anakuwa mwenye kutumikisha ule uweza. Un déploiement divin. Ni Mungu amekutuma huko kama alivyotuma Daudi kwenda kuangusha Goliath. La puissance qui a. Na unaenda kutumikisha uwezo unabeba. David dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Kwa jina la Bwana wa majeshi. Tu as insulté. Uliyemtukana. Mais tu as eu le nom de l'Éternel où David? Wewe Daudi ulitosha jina wa milele wapi? L'Éternel est en moi. L'Éternel est la puissance qui agit en moi. Alors je t'affronte Goliath. Les chiens vont lécher ton sang. Et ça n'a pas été seulement Goliath. Parce que dès que Goliath est tombé, la force est rentrée dans l'armée d'Israël. Ils sont allés en assaut contre toute l'armée. Or, ça faisait 40 jours et 40 nuits. Que chaque fois qu'il voyait Goliath apparaître, chacun allait se cacher. Une armée qui va se cacher. Heureusement pour eux. Parce que c'était un principe. On ne va pas se battre ensemble tous. Il faut trouver un délégué. Sinon, quand ils allaient se cacher, l'armée des Philistins pouvait les poursuivre dans les cachettes et les égorger. Jusqu'à ce qu'apparut David. Daoud est apparu dans la chambre de Mapambano. Qui avait cette phrase. Alijua, neno, par la puissance qui agit en moi. Alijua, na beba nguvu ya Mungu ndani yangu. Je vais affronter cet homme. Kwa hizi nguvu ndapigana na huyu adui. Et il a abattu. Na alimuangusha kamuua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la puissance qui agit en moi. Kwa nguvu inayotenda ndani yetu. C'est pourquoi Jésus. Ndio maana Yesu Kristo. Dit dans Jean chapitre 14, verset 12, tu peux lire cela avec moi. Anasema katika Yohana 14. Regardez ça, c'est un verset merveilleux. Ni mshahidi mzuri sana. Jean 14, 12. Yohana 14:12. Par la puissance qui agit en moi. Kwa nguvu zinazotenda ndani yangu. Allons-y ensemble. Tuisome pamoja. En vérité, kweli, je vous le dis. Nawambia, celui qui croit en moi anayeni amini, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Kwa Baba. Wow! Celui qui croit en moi. Kila anayeni amini, quand tu crois en moi, j'entre dans ton cœur. Et la puissance qui est disponible peut agir dans ton cœur. Peut agir dans ton homme intérieur. Peut agir en toi. Et quand je suis entré en toi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Tu peux faire tout ce que j'ai fait. Et plus grave, zaidi, tu peux faire même plus que tout ce que j'ai fait. Jésus marchait à Jérusalem, en Galilée. À un moment, Yesu il s'est arrêté dans Matthieu 9. Galiléa, Matthieu 9, verset 35 et suivant. La Bible dit, regardez la foule. Il en eut compassion. Car c'était des brebis comme des brebis sans berger. Ils languissaient, ils étaient là, ils se promenaient. Et il en eut compassion et dit à ses apôtres, la moisson est grande. Mavuno ni makubwa, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc ombeni, le maître de la moisson wana wa mavuno, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Kazi katika shamba lake. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Bwana, unataka kusema nini? Jésus veut dire, Yesu, unataka kusema, jusqu'ici, paka hapa, c'est moi qui transporte la puissance mie ndio nabeba uweza, pour faire toutes choses. Kufanya hii kazi yote. J'ai besoin de distribuer cette puissance. J'ai besoin de le partager avec les êtres humains qui vont croire. De sorte que l'armée de Dieu devienne plus nombreuse. C'est là l'importance des églises nombreuses. C'est là l'importance de la croissance de l'église. C'est là l'importance de ravager le monde et de piller le monde des ténèbres, ramasser toutes les âmes, les ramener à la vie. Shetani, parce que chaque personne qui contacte Jésus, la puissance qui agit Yesu, va commencer à agir en lui aussi. Vile ndani ya ule à la mesure où il va prendre conscience de ça. Zamiri. Bwana sifiwe. Amen. Limitons là. Tout un zéchi à parler. On va continuer avec les autres. Tendelea, Kesho, na kwa siku zingine. Bwana sifiwe. Asifiwe zaidi. Levons-nous, on va prier. Tutasimama kwa maombi, dakika kidogo kwa maombi. Quelqu'un va prier différemment ce soir. Naona vitu vinyo umesikia. Hallelujah. Vinakupa changamoto. Hallelujah. Amen. On acclame le Seigneur. Tushangilie Bwana. Merci pour la puissance qui agit en nous. Tu peux acclamer la puissance qui agit en toi. Acclame le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, le Seigneur nous a rendus participants de Christ. Participants. Les Anglais disent partakers. Participant de la nature de Dieu, participant si, si, de Christ. Nous participons à la puissance de Dieu. Nous participons à l'autorité de Christ. Nous participons aux grâces et sondages. Paul dit, j'ai eu la dispensation de la grâce de Dieu pour vous. Et quiconque a reçu la dispensation de la grâce de Dieu Kila en lui-même, il en a reçu pour quelqu'un aussi. Anaipokea kwa wengine vile. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu ressens dans ton esprit? Ndani ya roho yako unasikia nini? Unasikia tena utendelea kuficha maadui au unataka kulamuka kama Daudi kupiga Goliath? Unajisikia namna gani? À celui qui peut faire. Anayeweza kutenda. Par la puissance qui agit. Kwa nguvu zinazotenda ndani yetu. Autrement dit, ni kusema, il ne va pas aller chercher loin la puissance qu'il va exercer à la situation qu'il concerne. Il va trouver cette puissance en toi déjà. Par la puissance qui est déjà dedans. Mais la puissance qui est déjà dedans, c'est sa puissance. C'est son esprit. C'est lui-même. C'est la plénitude de Dieu. Alors nous voulons lever nos mains et dire: Seigneur, je veux recevoir de cette puissance. Commence à parler. Appelle la puissance de Dieu. Dites: Seigneur, j'ai compris. Il y a de la puissance disponible. Quelqu'un prie le Seigneur. Il y a de la puissance disponible. Et cette puissance est en moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que cette puissance vient à la surface maintenant. Que ta puissance vienne à surface. Que cette puissance vienne à surface. Que cette puissance vienne en exercice. Mets-moi en exercice. Mets-moi en exercice. Mets-moi en exercice. Quelqu'un prie, quelqu'un prie. Baba, tunakuhitaji. Quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie. Prie avec ton esprit. Dépasse les prières de la tête. Les prières du raisonnement. Fais monter ton cœur dans la prière. Élève ton cœur dans la prière. Élève ton esprit dans la prière. Akaba Shanta Tokeboshia. Ebaso Beya Santa Ragadagada. Rito Bagajo Keleko Santa Bila. E Mama Yanda Boka Shanta. E Keta Kaba Shanta. E Kabanta Boshita. Yes.